que o dia tudo com o carrinho. Parlava do carro, que havia passado a cantoneira, mas me soigne plus de rien, d'accord? Me soigne pas. Porque se o vieillot. E l'éveillé, il y avait des éveillés. Ah, l'éveillado. Vous pouvez parler d'éveillé? L'éveillado, dit l'ostau de ma mère, n'autre rien quatre. Une enfant et mes trois filles, mais ma soeur avait des années de m'accueilli au Créonnéchu en 84, et le dimanche au soir venait. Et veillavons, et cantavons, et s'amusavons, et comme il faut. E faillait que ma mère, avant que ça naisse un couchard, cantait toujours ainsi. Vous ne vous souvenez pas d'une chanson que votre maman vous aurait chantée? Chantait, elle cantait au mignon. Vous vous rappelez un petit peu les paroles? J'espère. Je l'ai encore à la maison. Vous pourriez me la rechercher éventuellement? Ma foi, peut-être. Peut-être. Hein, ce serait très très bien, je viendrai la récupérer quand vous voudrez. Oui, hein? Oui. Voilà. Alors l'éveillé, vous m'en parlez encore si alors, vous avez encore des... Alors l'éveillé, s'amusait quand elle la castagnade. Faillait la castagnade, faillait les crespeaux, faillait les ganses, et s'amusait toutes les familles, une cas où que va, elle se faille plus. Qu'est-ce que c'était les ganses? Et les merveilles. C'était des beignets. Les beignets, oui, les merveilles, les beignets, les... Vous rappelez la recette, par exemple? Comment on les faisait? Ah, les beignets, on mettait une veille d'aigle, une étoile de farine et deux œufs. Alors, mettait une veille d'aigle, un peu long sur le feu, quand l'aigle bouillait, eh bien, il mettait une petite goutte d'aigle par rasta. L'ébullition, après ils mettaient la farine d'un coup et qu'ils ne faisaient pas de grumeaux, et on me mettait après, ben, virava, et quand elle le cuit, je faisais que, et me le cuillait, faisais que la pâte se destaquait de l'eau. Et après, la laissava refroidir, et quand elle le mettait en gré d'usure, et passait sur Mayako, et voilà. Après, je mettais une sartane et mes dori, et quand l'ori est bien bouillant, je mettais encore.